lâché comme un pit. T'as cru que c'était Godzilla, mais tu t'es trompé mon pote, c'est moi et je suis là. Je compte la tequila après à monter jusqu'au mon killa. J'cla ma fière du rap, celui qui se loupe, j'le killa. L'instru t'envoie la race comme BE20DH. Laisse pas de trace, j'suis MC visible au 1X. Pas de trace, que des rimes trash sur un texte. Classique. Pour ceux qui veulent de la podique, c'est narco des vertiges. Alors mon pote, accroche-toi solide, marqueur comme celui de Wax. Nous on fait du rap solide, rime torride comme FF, c'est torride, torride. De Marseille jusqu'à Malaga, nous on voit quoi? Non, que du Coca-Cola. Je pose ma voix et c'est pour le plaisir, ma foi. Je reprends une fois de plus parce que je me passe le figurant. Je remets à leur place tous ceux qui veulent nous rentrer dedans. Je m'adresse député, le plus grand pancho du fric. Le chef Loire, rien à dire. Monsieur Chirac, on se connaît depuis longtemps. L'Europe peut passer à tu. Il te faut geler par balle car j'ai la rime qui tue. Je suis le mieux contre l'assemblée, le système qu'il développe. J'ai jamais vu passer un train sous le rail du coq. Le coq qui parle à massaco. Cesse de purifier les ghettos, style naso-facho. Maquillé par les mots, rajoute goût dans le sang plein de la haine qui coule dans le veine. Les gens qui la caisse le ben, ils vont même pas la peine, ils nous interdisent le pollen. Mais regarde ce qu'ils sniffent même. Pour dénoncer la politique de ceux qui disent faire pour les jeunes alors qu'ils nous donnent même pas un bout de plastique, c'est tragique. Les politiciens des beaux parleurs avant leur sélection, ils croient qu'ils nous embobinent en un discours. VERTIGES, on n'a pas plaidé la prétention. Prends notre arme et la bobine du disque court. J'ai pris le départ en start, mais Chirac est pris de court. J'ai débuté dans le rap, passé au rang de député. Ministre au Sénat, je rap pour les membres du conseil qu'on n'a pas amputé. Narco qui sonne avec Sarko, mais la consonance est un péché. Y'a pas de cheetah et comme Tarzan, j'ai lâché la corde et me suis buté.